Rappelons-nous ce que M. Poutine a dit le 25 février de l'année dernière. Il a pas donné beaucoup de détails, mais c'était un message pour les pays otaniens, c'est-à-dire que la Russie subit, les Russes subissent, et cette fois-ci, c'est terminé. Sachant que depuis 2017, les Russes n'ont plus de dettes, ils doivent plus rien aux États-Unis. C'est terminé, ils sont sortis ils pouvaient sortir du dollar et c'est ce qu'ils s'entraînent de faire. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est encore une fois obliger les Allemands d'être en confrontation avec les Russes. Et les Allemands ne veulent pas. C'est pour ça que Scholz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord les Américains, ils donnent, après on donnera. Les Américains ont promis qu'ils allaient donner des chars. Et c'est là où Scholz a dit, nous aussi on va donner 14 ce char, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Afrique Média, le monde, c'est nous.